Désormais, à chaque seconde, nous attendions à être engloutis dans la chute de la maison. Elle se trouvait minée. Elle n'était sans doute portée que par quelques gros murs qu'elle l'entraînait tout entière en s'écroulant. Mais ce dont je tremblais surtout, c'était de sentir la toiture fléchir sous notre poids. La maison aurait peut-être tenu toute la nuit. Seulement, les tuiles s'affaissaient, battues et trouées par les poutres. Nous étions réfugiés vers la gauche, sur des chevrons solides encore. Puis, ces chevrons eux-mêmes parurent faiblir. Certainement, ils s'enfonceraient si nous restions tous les cinq entassés sur un si petit espace. Depuis quelques minutes, mon frère Pierre avait remis sa pipe à ses lèvres, d'un geste machinal. Il tordait sa moustache de vieux soldat, les sourcils froncés, grognant de sourdes paroles. Ce danger croissant qui l'entourait et contre lequel son courage ne pouvait rien commençait à l'impatienter fortement. Il avait craché deux ou trois fois dans l'eau d'un air de colère méprisante. Puis, comme nous en fonctions toujours, il se décida. Il descendit la toiture. « Pierre, Pierre !» criai-je, ayant peur de comprendre. Il se retourna et me dit tranquillement. « Adieu, Louis. Vois-tu, c'est trop long pour moi. Ça vous fera de la place. » Et, après avoir jeté sa pipe la première, il se précipita lui-même en ajoutant « Bonsoir, j'en ai assez !» Il ne reparut pas. Il était nageur médiocre. D'ailleurs, il s'abandonna sans doute, le cœur crevé par notre ruine et par la mort de tous les nôtres, ne voulant pas leur survivre. 2 heures du matin sonnèrent à l'église. La nuit allait finir, cette horrible nuit, déjà si pleine d'agonie et de larmes. Peu à peu, sous nos pieds, l'espace encore sec se rétrécissait. C'était un murmure de courante, de petits flots caressants qui jouaient et se poussaient. De nouveau, le courant avait changé. Les épaves passaient à droite du village, flottant avec lenteur, comme si les eaux, près d'atteindre leur plus haut niveau, se fussent reposées, lasses et paresseuses.